Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, ont visité le 26 le musée de la guerre de libération de la patrie à l'occasion du 63e anniversaire de notre grande victoire. Les visiteurs ont formulé l'hommage au président Kim Il-sung devant sa statue répondant sur la place de la parade militaire consacrée à la victoire dans la guerre.